C'est vrai, il est vraiment bien en place avec Carrefour City, t'as le Guénin, comment il s'appelle, le fleuriste, ouais. Au marché là. Ouais. Et ouais. En face, t'as une boucherie. Ça ouais. s'appelle la boucherie de la côte. Ouais, ouais, très ouais. bon produit. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est très bon, Jean-Marc. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est très très la bien. La pâte à tarte, je fais pas. J'ai jamais fait. Avant, c'était ma maman qui me faisait, je la congelais. Mais moi, j'y arrive pas. Il y a un coup de main pour faire la pâte. Oui, et puis il y a aussi la cuisson. Ouais. Parce que c'est trop mou, c'est trop moussi, c'est pas assez ça, c'est compliqué. Et le fermier, tu vas chez lequel? À Carnavest. Mais il y a un monde fou, hein, tu fais laquelle ouais. maintenant. Hein. Ah ouais. Tant mieux pour lui. Hein. Ouais. C'est ton ennemi celui-là, non? Ouais, tu sais, tu m'avais déjà dit. Ouais. Ça doit être ça. Mais il paraît qu'il y en a un autre maintenant. Oui, mais lui, il fait que les marchés, je crois. Ouais, j'avais trouvé un petit bouquin où il y avait tous les vendeurs. Ouais, ouais. Ils sont en vrai, vous en avez pas mal. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Moi, j'aime en vrai. Et puis le marché bio, là, en vrai, c'est jeudi après-midi. Ah, oui. Jeudi. Très bien. En soirée, tout le monde. Ah, oui. Et c'est vraiment très, très bien. Ouais. C'est toujours les mêmes producteurs. Ouais, ouais. Et vous allez où à Auray faire vos courses? Alors, parce qu'il y a le choix là, vous avez quand même. Vous avez une zone commerciale qui est immense là à l'entrée. Non, mais on y va peu. Ça n'existait pas ça avant. Hein. Non, on va au bio, à Alray Bio, qui est très bien. Ouais, je vois où c'est. Ouais. C'est un peu le pendant de ce qu'il y a à Quiberon en plus. En plus grand quoi. Non, pas plus grand, en plus évolué. Ah d'accord. Parce qu'ils ont plus d'expérience, ça fait. Ouais, ils sont. Une dizaine d'années qu'ils sont là-bas. Mais voir ici, ils sont. C'est pas mal, hein. Oui, j'y vais aussi, pour certaines choses, des fois, ils sont gentils, ils sont serviables, c'est bien. Et, non, moi, mais essentiellement, moi, c'est marché. Ouais. Du frais et du marché. Ouais. Tu vas aussi à Portivy au marché, là Pour Aligain. Pour Aligain, pour Aligain. Ah oui. J'y vais, mais j'ai toujours mes... Tu sais, moi, j'ai mes mêmes... Oui. Les producteurs, on est toujours chez les mêmes. Ouais. Et quelquefois, c'est les mêmes entre Auray et Quiberon. Oui, ça m'étonne pas. Ça va? Il n'y a que le grand couillon qui va pas en vrai. Le Fada? Ouais. Et le gars qui vend les légumes avec le chapeau, là? Oui, les tomates les plus chères du marché. Ah non, je vois pas plus. Qui a toujours des bacs avec des herbes. C'est celui-là qui est au bord. Il est transversal à Quiberon au marché et dans la traverse. C'est un grand type, il a un chapeau. Ouais, je vois qui c'est, oui. Voilà, je vois qui c'est. C'est les tomates les plus chères du marché. Mais c'est bon. C'est vachement bon. Nous, on a les tomates du jardin en ce moment, on en a plein. Là. Ouais. Nous, comme on n'est pas trop là, on ne peut pas trop préparer, c'est un peu le foutoir. Il en reste une. Mais on a des petites tomates, des fraises, des salades, des... Voilà. Non, mais les tomates, je les ai transplantées, ils étaient dans des pots sur le balcon. Ah oui. Trop aimé. Ah oui. Bon, alors. Très bon, ta tarte. Très, très bien. Tiens, resserre-moi un peu. On me donne faim. Bon. T'en reviens un peu? Oui, mais vas-y, serre-le. Mais toi, moi j'aime bien, j'aime pas les tartes de pâtisserie. Ben nous non plus. Hein, tu sais, avec le truc qui brille au-dessus, là. Ouais, complètement. Hein. Non, mais tu sais, j'avais gardé un excellent souvenir quand on avait discuté après le visionnage photo. Ouais. Il va falloir qu'on en reparle. Merci. Après le visionnage photo, c'était fait quelques petits points de repère où j'avais vu que on partageait bien les mêmes valeurs. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors, je reviens un peu à la photo. Oui. Ah, tu peux éteindre la... Tu pourras l'éteindre après, chérie. Quoi? Tu pourras éteindre la machine après. Oui. Tu veux encore un café? Non, attention, merci. Attention. Ouais, excuse-moi, je suis un peu, dévarié. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de l'organisation future de notre petit groupe. Est-ce que tu as réfléchi, toi ? Ouais, j'ai déjà. Enfin, c'est après le. Comment dire ? Ce qui me chagrine plus ou moins. Enfin, ouais, vas-y, dis-moi. On est là toi, pour tu faisais venir les gens chez toi pour discuter des photos. Oui. Donc, comme je t'ai expliqué, moi, j'ai pas de télé. C'est pas grave. Et tout. Non, c'est mais pas grave. Une solution, quoi. Comment on va faire ou comment, ouais, voilà, alors. Hein, tu vois, ouais, ça, oui, entre autres. Très bien, très bien. Alors, trouver une solution, il n'y a pas de solution immédiate. Ouais. Il y a quelque chose qui peut être qui peut être envisagé et pour lequel j'ai déjà posé des jalons. Alors, en deux mots, je t'explique. Avec Jeannette, qui est la présidente de l'UTL, on a eu l'occasion de se faire une virée en Centre-Bretagne pour rencontrer d'autres UTL de Bretagne. D'accord. Et voir si on pouvait mettre en place un logiciel commun de gestion d'associations. Alors, il y a des gens en UTL Bretagne qui ont bien travaillé le sujet et ils nous proposaient de, moyennant finance, mais rien de bien cher, de mettre en place un logiciel. Un logiciel. Et ça, nous étions début février ou quelque chose comme ça. Et ce logiciel devait être mis en place à la rentrée, septembre ou octobre. Mmh. Je pense que Jeannette va lever le pied là-dessus. Mmh. C'est ce que je ferai à sa place. Bon, quand tu es patronne d'une association... Tu vas pas te mettre à te lancer dans des périodes instables comme ça. Voilà. Bon, mais elle fera ce qu'elle veut. Au cours de ce voyage, j'ai dit à Jeannette, voilà, nous, on a un souci dans le groupe photo, c'est que on n'a pas d'écran télé suffisamment grand à la maison des associations pour faire nos visionnages. Alors, pour l'instant, quand on est à Auray, on fait ça à Auray. Mmh. Quand on est à Quiberon, on fait ça à Quiberon. Mmh. Ici, bon, ici, si tu dépasses 4 ou 5... Ouais, je comprends. Bah, c'est une cabine. On n'avait pas été chez Hélène une fois. Alors, on a été chez Hélène, on a été chez Sandrine, mais avec un matos qui n'est pas... Ouais. Bon. Oui, voilà. Alors, si tu veux faire du visionnage photo et que les couleurs de la télé... Ouais, tiennent pas la route, te déforment, voilà. Donc, on a fait ça chez Hélène et chez Sandrine, mais à mon sens, soit elles reprennent les réglages de leur télé, ce qui est faisable, hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est faisable. Soit elles reprennent leur réglage télé et ça va, soit elles le reprennent pas et comme elles sont pas du tout motivées pour ça, ça va pas. J'ai noté que toi, tu avais une télé petite. Voilà. Bon. Donc, ce que je propose, c'est que, tandis que tu seras avec Jeannette au forum, tu la relances là-dessus. Tu fais état de la discussion que j'ai eue avec elle quand on était voir le logiciel, etc. C'est pour ça que je t'ai raconté toute l'histoire. Le budget, il faut prévoir entre 1000 et 1500 euros. Quoi. Il faut un écran qui soit quand même assez significatif. À mon sens, le bon plan, c'est ce que je lui avais suggéré, c'est de faire en sorte de faire financer ça par la maison des associations ou à travers une contribution de chaque assos ou un truc comme ça. Parce que une télé, aujourd'hui, ça sert à plein de choses. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas sûr. Forcément le meilleur plan. Bon, alors. Parce qu'après, il y a le problème de gestion. Oui, le stockage. Oui, la salle. Bah, pour moi, c'est une télé qui est mise fixe au mur. Quoi. Il faut que la salle soit disponible. Oui, voilà. ça gère. Alors, c'est l'emploi du temps. Au niveau des salles, nous avions, jusqu'à l'an dernier, une salle qui était mise à la disposition du groupe photo tous les jeudis après-midi. D'accord. Alors, on y a été de moins en moins. Bah, parce que d'abord, nous, on a déménagé à Auray l'hiver. Mmh. Ça a été un certain frein. Ensuite, on a. Comment dirais-je, on avait, et il y a toujours à la maison des associations, un écran d'ordinateur que j'utilisais avec le portable d'Hélène. Alors Hélène amenait le portable, l'écran, le petit écran, assez bien calibré, hein, ouais. Mais bon, et dans un des placards de l'UTL, dans la maison des associations. Il existe. Il est encore. Oui, normalement, j'avais regardé il n'y a pas très très longtemps, il existe. Toutefois, si tu veux, c'est un petit écran comme ça, quoi. Mmh. C'est ce que tu dois avoir chez toi. C'est un plus petit, moi. Oui, voilà. Bon. Donc, il faut gérer ce problème. Alors, j'ai une question. Vas-y. Mais toi, tu t'es occupé aussi d'une autre truc, là. Comment ça s'appelle? La vidéo. Oui, la vidéo, tu le fais encore, ça. Quelle vidéo? Bah, tu donnes des... Oui. Comment ça s'appelle? La construction de site internet. Oui, voilà. Mais... Si tu t'en occupais aussi de ça. Et tu le fais toujours, ça? Il n'y a pas beaucoup de demandes. Bah, là aussi, le matériel, tu faisais comment, alors? C'était l'UTL aussi? C'était très simple, ça. Ah bon? C'était plus facile à gérer. Ouais. Tu voulais faire un site? Ouais. Tu venais... Je faisais venir les gens ici. Mmh. Ah, d'accord. On se servait de mon ordi. Mmh. Je leur montrais ça sur Jimdo. Ouais. Et Jimdo, c'est un protocole de réalisation de sites internet. Mmh. Et puis, ils repartaient au bout de 3-4 fois. Ouais, on passait d'accord. 2 heures ensemble à chaque fois. Ils repartaient avec leur site. D'accord. Okay. Voilà. Bon, depuis. Tiens, il faudrait que je dise à Jeannette, que je ne peux plus m'occuper de ça. C'est le problème du Messie, je connais Claude, il s'occupe de la vidéo, pas les sites internet, voilà. Tout ça. J'en ai fait une dizaine quand même. Ouais. Bon, mais c'est beaucoup de temps, si tu veux, c'est de l'énergie, c'est... Alors, je note, forum des associations, annulation. Parce que je voulais m'inscrire à l'immédiat, là. Et c'était tout le temps fermé, ça m'a agacé, la médiathèque. Là. Ouais. À chaque fois que je venais, c'était fermé, ça m'a saoulé. Là. La médiathèque? Ouais, c'était... Tu sais, il y a un truc qui s'appelle... Ils font des films. Oui, c'est voilà. C'est pas mal ce qu'ils font, d'ailleurs. Oui, oui, je oui. Je vais aller voir, c'est sympa ce qu'ils font. Et je voulais m'inscrire, et c'était tout le temps fermé, alors ça m'a saoulé. Tu ne pouvais pas t'inscrire par Internet? Bah, je sais plus. Ouais, je m'en rappelle. Enfin, j'ai... 16, 17. On est 17. 17, oui. Alors ça m'a saoulé, du coup j'ai pas fait. Et j'ai dit je vais pas reprendre en cours de saison, mais il paraît que c'est balèze. Oui, mais c'est il faut être très très bien équipé. D'abord, il faut avoir de l'idée. Oui. Hein. Il faut être très bien équipé et beaucoup beaucoup pratiquer. Quoi. C'est comme en photo. Quoi, voilà, sinon tu perds. Tu perds la main. Oui, ouais. Et puis et si tu veux, ça vient pas comme ça, de façon instantanée. Ouais. Quand tu fais une photo, tu appuies là, bon, ça prend. Mmh. Alors que là, il faut faire des compositions, des montages, des trucs, etc. C'est pas mal. Nous, on y avait été une année. Puis bon, c'est un peu redondant. Parce que moi, j'en ai fait des montages moi-même et tout. J'ai déjà fait. Ça t'a plu? Oui, des diaporamas, des choses comme ça. Et puis j'avais un logiciel allemand, mais ça ne marche pas sur le Mac. Parce que moi, je suis passé au Mac. D'accord. Apple. D'accord. Et ça marche qu'avec Microsoft, c'est Aquasoft, un logiciel allemand fantastique pour faire les diaporamas. Génial. Et il est pas cher. Aquasoft, c'est allemand. Mais tu l'as, tu peux le trouver sous une autre micro-application. Mais les anciennes. Machin, ça marche pas. Comment ça, Photoshop? Photoshop. Mais Photoshop, c'est pas fait pour du diaporama, c'est fait pour. Oui. Ah, il y en a un pour faire du diaporama. La vidéo. Je le connais pas. Ouais. Non, mais vous ne parlez pas des mêmes choses. Diaporama, c'est une chose. Oui. Vidéo, c'est une autre chose. Vidéo, je ne fais pas. Moi, c'est diaporama. Ouais. Tu sais, c'est des photos avec un enchaînement, avec un titre, tu vois. J'en ai fait pas mal, ça. Moi j'ai fait... Est-ce que Photoshop ne le fait pas? Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé. Tu vois, ça, c'est amusant de reparler de ça parce que, gamin, j'arrivais dans la vie, j'habitais encore à Paris à l'époque, et puis je m'étais pris vraiment la tête avec la photo, et bon, j'avais pas de matériel, etc. J'allais dans une maison des jeunes. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Mais ouais. On avait fait un labo. Ouais, nous aussi, noir et blanc. Noir et blanc et couleur. On avait fait les deux. Couleur, j'ai pas accroché. On a fait de la couleur. Mais, si j'ai fait diapo, une époque, j'avais essayé la diapo. Et on a fait le montage de diapo. Et on a fait des concours de montage de diapo. Ah, d'accord. Et avec un de nos concours à la Place de la Défense, où là, la Place de la Défense commençait à émerger dans Paris. Ouais. Et on avait fait des photos et des films formidables. Mais surtout des photos et des diapos. Et ces diapos, on avait fait organiser un montage avec 4 carousels. Ah oui. En série. C'était quoi. Fondu enchaîné. Fondu enchaîné. Ouais. Tout en fondu enchaîné. Ouais. Musique et tout le bal. On avait passé un temps à organiser ça, mais le résultat avait été formidable et on avait gagné. Peut-être pas le premier prix, mais c'était bien, ça avait été bien placé. Donc, maintenant, c'est plus simple de faire ce genre de choses. Ouais, c'est plus simple, mais il faut du temps aussi. Mais il faut et du temps et du métier. Ouais. Il faut être bon en cadrage. Il faut être bon en cadrage. Bon en réalisation aussi. Hein, et en montage. Et sur Apple, sur le MacBook Pro que j'ai, il te mettait un logiciel de montage assez simple. Ouais. Et maintenant, il est payant, je crois. Il n'est plus gratuit. Comment il s'appelle il y a longtemps que je peux utiliser. Vidéo, non, il s'appelle pas juste vidéo. Ouais, peut-être, ouais. Mais il est. De toute façon, Apple est très convivial, quoi. Ouais. Non, je n'ai pas pour qui, mais bon. Moi, je fais un peu de blocage. Alors, on a fait un petit essai parce que pendant un temps, et ça c'était l'an dernier ou il y a deux ans plus, j'avais invité les filles, parce qu'il y avait des filles à l'époque, j'avais invité les filles à s'acheter des smartphones un petit peu qualitatifs, correct, et qu'ils aient de bonnes photos et de bonnes vidéos. Là-dessus, côté photo, bon, ben, l'idée, c'était de se dire, voilà, l'appareil photo, on ne l'a pas toujours dans la poche, mais le smartphone, tu l'as dans la poche, boum, boum, boum, et puis, tant que tu continues de faire de la photo, même au kilomètre, tu t'améliores, parce que tu pratiques, et tu t'améliores. Là-dessus, j'ai voulu aller un peu plus loin, et je leur ai dit, bon, ben voilà, maintenant, on va essayer de faire un peu de vidéo. Oui, avec les smartphones. Avec le smartphone, tu peux faire des choses très sympas, très honorables. Et là, je leur avais fait acheter, et je nous avais fait acheter une sorte de perche. Ah oui. Ah oui, pour les japonais. Pour faire des smartphones, pour faire du comment ça s'appelle. Ah. Des selfies. Oui, exact. Et alors, bon, ça avait un peu démarré, mais bon, les filles n'ont pas accroché. Moi, si t'es avec un groupe où ça accroche pas, bon, tu vas pas. Tu laisses tomber. J'ai plus envie, et tu l'as compris, me prendre la tête. Ouais. Bon, j'ai donné, voilà. Maintenant, excuse-moi pour ce bruit. C'est plus calme que ça. C'est Philippe. C'est Philippe. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Donc voilà un petit peu. Non, mais je te mets un peu à la cool au point de vue histoire, de savoir les petits frémissements qu'ont eu lieu, si tu veux. Alors il y a ça, donc il y a les montages, comme tu disais, ou à Photoshop ou autre. Voilà. Donc je voulais savoir si tu avais essayé de faire ça avec elle. Non. Du diaporama, on va dire. Enfin, non. Du diaporama. Non. Il est hermétiquement fermé à ce genre de bidouillage. Ah bon? Oui. Bah, c'est pas du bidouillage. Non, du diaporama, j'en ai pas fait. Tu sais, je vais te donner mon avis, je sais pas ce que t'en penses. Regarde, avant, tu faisais de la photo argentique, il fallait aller au labo, tu faisais pas trop de photos parce que ça coûtait cher, tu pouvais pas te permettre de prendre 4 fois le même truc. Mais bien sûr. Que maintenant, t'as quand même une souplesse. Bien mais l'inconvénient qu'il y a, que tu en as trop. Oui, voilà. Déjà, il faut gérer ça au kilomètre. Ouais, ouais. Tout à fait. Et puis, il y a autre chose. Tu as quelqu'un qui dit, tiens, j'étais, par exemple, une expo, j'ai fait des photos. Tu sors ton bazar, tu cherches. Des fois, tu dis, merde, je les mets où? Parce que tu en as toute une tripotée, parce qu'on ne range pas assez. Enfin, moi, c'est mon cas. Là, j'essaye de ranger un peu. Et puis après, il faut que tu te mettes à côté de la personne. C'est pas toujours convivial. Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je vais. Tu fais un diaporama, tu branches ça sur la télé, toc, tu lances. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps, parce que c'est rabat-joie. Quoi. Enfin, alors, ce qu'on a fait dans ce genre-là. Attends, je m'excuse, je change de position. Le soleil, il tourne, et moi pas. Et ce qu'on a fait, à deux reprises, c'était pour l'organisation de notre petite expo photo. Ah oui. En préparation de cette manifestation, je les ai pris individuellement, c'est bien Sandrine que Hélène, et je leur ai dit, venez avec vos photos, et puis on va les passer en revue, et puis on va voir ce qui peut être présenté. Alors, ce que je faisais, si tu veux, ils venaient avec leur clé USB, on allait sur parce que moi, je ne suis pas équipé en Mac, mais j'ai un bon matos quand même. Et on enquillait la clé USB, puis on faisait défiler les photos. Puis quand j'envoyais une, si tu veux, où un simple recadrage pouvait permettre à la photo d'émerger, voilà. Et donc... avec Hélène, elle s'était amusée à faire un truc, un 365. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, Hélène, pendant une année, je vais prendre une photo par jour. Oui. Et elle était venue, et c'est ça qui m'avait donné l'idée, avec sa clé, et puis on avait... Et comme elle prenait à cette époque-là... Elle en gardait une photo, mais dans la même journée, elle pouvait en prendre 10, 20, 30, si tu veux. Donc, Hélène est venue avec son 365. Et on a repris ses photos, on les a remodelées, et bon nombre de ces photos, on les a retrouvées à l'expo, parce que... Mais, si tu veux, autant je trouve un peu chiant... Mais c'est mon point de vue, si tu veux dire à quelqu'un, voilà, pour le réglage, tu te fais ci, tu te fais ça, etc. Autant, sur un écran, pour révéler la photo, eh bien, je vois assez rapidement ce qu'il y a lieu de faire pour faire émerger quelque chose. Et c'est ce qu'on fait dans les visionnages, si tu veux. Et ça, si tu en es d'accord, moi, je veux bien continuer d'animer ce genre de choses, parce que je le sens bien, ça. Ouais, je comprends. Je le sens bien. Autant si tu, pendant une balade, tu viens te voir et puis tu dis, voilà, je fais tel combien d'ISO, machin, etc. Bon, je trouve ça très chiant. Mais... autre chose, je ne sais pas si tu as déjà fait, moi, des fois, maintenant, par exemple, je te donne un exemple, à Pentecôte, on se retrouve toujours avec des amis, puis un peu la famille, et on visite une région. Un coup, c'est le Jura, un coup, bref. Je fais pas mal de photos. Et souvent, après, je fais un album. Il y a une trace. Oui. Parce qu'il n'y a plus de traces. Regarde tes parents, ils avaient des négatifs. Tu as des photos de tes grands-parents, tes parents. Ouais, des albums. Maintenant, tu vas laisser quoi toi, au futur. Alors, maintenant, c'est... Des disques... Ouais, ou des clés USB qui ne pourront plus lire dans 10 ans. Enfin, j'exagère, mais... Alors, je t'explique. C'est juste comme ça pour avoir ton idée. Oui, oui, non, mais c'est très bien d'échanger, parce que c'est comme ça qu'on va construire un joli devenir à cette activité photo, quoi. Et à titre personnel, moi, je compte sur toi, justement, pour poser ces bonnes questions, parce que tu poses des très bonnes questions, et d'essayer de trouver des bonnes réponses là-dessus. Alors, à aujourd'hui, toutes les photos du groupe sont stockées sur Zaxis. Ah oui, d'accord. Je les ai toutes. Bon, chaque année, je donne à titre personnel une petite contribution à Zaxis. Ça coûte 10 euros, c'est pas un truc. Ça, c'est une chose. À titre personnel, toutes mes photos, année par année, sont classées par lieu géographique. C'est-à-dire que je fais de la photo à Quiberon depuis 2009. Toutes les photos que j'ai faites pour Quiberon et que j'ai gardées, je les ai classés dans une rubrique qui s'appelle Quiberon. Et dans cette rubrique qui s'appelle Quiberon, tu as 2009, 2010, 2011, etc. Bon. Je fais ça pour les voyages, je fais ça pour un certain nombre de choses. Des bouquins photos, tiens, Michaela, elle est partie les chercher. Ah bah voilà. Mais c'est pas lui qui les fait, là. Ah bon, c'est qui? C'est toi? Ah oui, mais il faut du temps aussi. Hein. Ouais, il faudra que je te montre ce que c'est, mais ils sont encore au garage. Ouais. Ouais, moi j'aime bien, tu vois. C'est marrant. Hein. Moi aussi. Hein, bah, non, mais bah, sans blaguer, le papier, c'est beau, quoi. Alors, tu moi, prends ça, bien, là, tu vois, voilà, tu prends ça, c'est sympa. Ouais. Ah, moi j'aime bien, tu vois. Oui, alors, les photos, c'est pas moi qui les ai fait, ces albums-là. Enfin, tu as choisi les photos, etc., mais c'est moi qui les ai fait imprimer, et c'est moi qui t'ai demandé les photos, etc. D'accord. Bon, donc... J'ai fait la petite main. Voilà. Non, mais c'est sympa. Bah, tu peux, ouais. Puisque, tiens, on va faire échange, tu m'as amené tes... Tu peux les garder, tu les emmènes. Je t'amènerai les miens, je vais les chercher au garage. On va échanger. Au garage. On va échanger. Donc, oui, mais ça, c'est pas quelque chose de systématique. Non, si tu veux. Je sais bien. Là, c'est peut-être pour une année, j'ai sorti mes meilleures photos. Ouais, c'est bien, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, voilà. Ça, j'ai pas fait encore. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien avoir des albums, parce que je suis plus comme toi. Ouais, L'album, c'est bien pour les autres. Pour soi aussi. Moi, je suis moins sensible au papier. Mais moi, je trouve ça beau. Ouais. Ouais. Ça pète, quoi. Ouais, en plus, c'est brillant. Tu n'as pas besoin d'allumer la tablette. Exactement, non, mais c'est vrai. Voilà, alors, bon, donc, à mon sens, si tu veux, et puis là, je te raccroche aux branches, entre guillemets, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, si tu veux. Avec les gens? Oui. Ouais, moi, je pense. Non, mais tout ce que je dis, c'est pour le groupe, quoi. Ou peut-être quelques membres du groupe. Ouais, ceux qui sont intéressés. Voilà, tu fais pas forcément accrocher tout le monde, mais... Mais c'est très pédagogique. Mais c'est très pédagogique, oui. Tout à fait. D'imprimer, de regarder Voilà. Donc, ça, c'est des idées. C'est amusant parce que je pensais absolument pas parler de tout ça avec toi. Déjà l'autre jour, je voulais en parler, j'ai oublié. Voilà. Tiens, j'ai pas posé la question. Moi, tu fais très plaisir. Ouais, bah, photobook. Moi, j'ai chez Photobox, j'avais essayé Fuji, puis j'avais essayé. Ça, c'est des Allemands, ça. Ouais, ouais. Et CV aussi, CEWE, c'est allemand aussi. Il y a les plus grands aussi, chérie. Ouais. Ils sont dans des cartons. Ouais. Va les chercher. Photobook, tiens, j'essaie. On les donne tout d'un coup. Je les achète sur vente privée souvent quand il y a des soldes. Ah oui, des moi aussi. C'est ça, le photobox, tu le prépares et tu attends qu'il les brade parce que c'est quand même pas donné. Bien sûr, bien sûr. Et tu achètes au moment où, ouais, tu as raison, moi je faisais pareil. Voilà. Donc. Mais j'ai toujours pensé, excuse-moi, après je montais, que si on est plusieurs, moi je me sens d'appeler le. Ah oui, pour négocier le prix. En disant pour négocier un prix. Ouais, t'as raison. Oui, voilà. Bon, c'est un petit peu ce qu'on avait fait pour l'expo. Oh, oui, voilà. On avait ramené ça, on dit voilà, il y a une quarantaine de photos. Et on... Voilà. Bon, alors, moi, si tu veux, ce que. Mais c'est très bien, t'as tout à fait raison. Moi, à mon sens, ce qui me paraît très bien. C'est de réoxygéner notre groupe photo. De mille et une façons. Ouais. Ça, c'en est une. Ouais, c'est une idée. Voilà, c'est une idée. Et à mon sens, il faut l'exploiter. Par contre, ce qui me paraissait intéressant aussi, c'est. Et ça, depuis quelque temps, j'ai été un peu fautif et je ne me suis pas assez accroché, c'est de faire un planning. Tu fais un planning. Moi, j'aime bien faire des plannings sur 6 mois, si tu veux, pour organiser ça. Bon, mais les filles, plus ça allait, plus elles bloquaient, si tu veux. Moi, je les laissais bloquer. Alors que si tu fais un planning pour 6 mois, tu peux t'organiser. Exactement, tu prévois. Tu dis, voilà, le jeudi, c'est la photo, par exemple. Moi, c'était l'idée. Le jeudi, c'est la photo. Eh bien, je vais consacrer... si je me mets à la photo, je m'y mets sérieusement. Et je vais consacrer le jeudi pour faire des photos. Voilà, sous une forme ou sous une autre. Donc, à mon sens, ce qu'il faudrait faire, c'est à la rentrée, ou au mois d'octobre, je ne sais pas, tu verras, c'est d'organiser... le groupe, d'amener le groupe, le mettre autour d'une table, et puis de le faire phosphorer sur un plat, sur... comment dire, le sujet. Ouais. Alors, soit de la photo par thème. Mmh. Ouais, tout à fait. Soit de la photo géographiquement, tu vas sur un endroit X ou un endroit Y. Soit on fait... Alors, j'avais lancé l'idée d'une expo. Mmh. Et j'ai peut-être été trop ambitieux. L'idée de l'expo, c'était de faire une expo sur quelque chose de un peu étonnant. Le thème, c'était étonnant, surprenant, etc. Tu vois, de faire des photos qui sortent de l'ordinaire. Quoi. Alors, hein, les filles, ça les a vachement déroutées. Si tu veux. Elles n'ont pas accroché. J'avais commencé à faire un album Zaklis que j'ai envoyé. Tu en as été destinataire, sur lequel j'avais mis des photos que j'estime être étonnantes, surprenantes, mais avec toujours l'idée de dire, voilà, moi je mets des photos, mais c'est le groupe qui dit je garde ou je prends pas. C'est pas toi, toi tu proposes, et le groupe dispose. Et c'est une démarche collective, si tu dis, voilà, bah, ouais, ta photo elle est sympa, mais bon... allez, hop, on passe à la suivante. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on a fait notre expo. Notre expo. Et à mon sens, l'expo est un très bon vecteur pour faire progresser les gens. Ouais. Et ça a plusieurs vertus. Faire progresser le groupe, ça a la vertu également. Ils sont bons, hein? Ceux-là, ils sont bons. Ouais. Oui, non, mais en plus, c'est le même, là. Mais on en a deux pareils. Ah oui. Bah, t'as deux petits. Tu vas pouvoir faire une danse. Ah bon? Oui. Même en grand. Ah oui, on l'a fait. Ouais. Ouais. Et celui-là. Bah, donne-lui le grand. Et reprends le petit. Attends, t'es à pied, t'es en quoi? Ouais, je suis en voiture parce que quand j'étais à Bourg. Et à 5h, j'ai rendez-vous chez le kiné, je dis je vais prendre la voiture. Ah bon, d'accord. Et ça aussi en grand. Les deux grands. Oui, donne-lui les deux grands, c'est plus... Ouais. Ouais, je vois. Donc tu faisais, je me suis posé la question, est-ce qu'il fait des albums photos? Oui, oui, on en a fait, mais c'est pas... C'est Michaela, ma sensibilité. Ouais. À Michaela, je lui donne des, je lui donne des photos, voilà, bon, c'est comme ça, tu les prends comme elles sont. Ouais, tu les débrouilles. Voilà. Moi, j'aime bien le papier. Ouais, moi aussi. Mon épouse, les bouquins, pareil. Alors, elle ne veut pas de tablette, elle veut des livres en papier. Puisque tu aimes bien le papier, puisque tu vas me soulager dans certaines démarches photographiques, je vais me lancer parce que dans le collage. Ah, le collage. Ouais. Ah oui, c'est pas mal aussi. Et là, voilà, bon... tu quittes l'appareil photo, hein, et tu raisonnes un petit peu différemment, et tu laisses parler ton imagination, tu te retrouves, voilà. Donc ça fait partie des choses que j'ai envie de faire à la rentrée. Là, je vais me lancer à acquérir un peu de matos. Bon, il faut pas grand chose. Et puis, mais surtout faire des idées. Parce que tu as des collagistes, c'est comme ça que ces gens-là s'appellent, qui font des choses formidables. Ouais. On ne connaît pas, parce que c'est pas dans les standards du truc. Ouais, ça n'a pas été vulgarisé. Voilà. Et donc, y a des choses assez, des choses assez intéressantes. Alors, reprenons. Moi, si tu en es d'accord, c'est qu'ensemble, on prépare une réunion au cours de laquelle on fera le programme. D'accord. Ouais, okay. Pour avancer dans cette réunion, il faut avoir des idées. Et faire des suggestions. Et à partir de là, ce que je te propose, c'est qu'ayant un petit peu l'historique du groupe, on échange verbalement, téléphone, machin, peu importe, sur Skype. Ouais, on peut se faire un truc sur Skype, ça veut dire qu'on sera à Auray, ça sera plus hein, ça te va. Et on fait un échange en préparation de cette réunion, à travers laquelle on se définit des objectifs de sortie. Objectif de sortie, c'est un lieu géographique, c'est un thème. Michaela aurait voulu que Mais encore une fois, c'est pas trop ma sensibilité. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un d'autre, quoi, pour rafraîchir un peu tout ça. J'aurais voulu que pour chaque sortie, j'impose entre guillemets un thème. Voilà. Une démarche, par exemple. Mmh. Bon, il faut qu'il y ait des lignes. Ou, ah oui. Ou du rouge. Mmh. Ou je sais pas, un portrait, etc. Mmh. Parce que je me dis que pédagogiquement, parfois tu arrives dans un lieu, tu dis punaise, y a rien. Qu'est-ce que je vais photographier. Et le fait d'avoir une ligne de conduite, ouais, d'être imposé de quelque chose, ça aide. Alors, tu verras, je crois dans un des chasseurs d'images, il y a un truc qui est pas mal, les arbres. Ouais. Oui, ouais. Bien sûr. C'est un thème. Ouais, ah, ouais. Ça a été mon premier thème photographique quand j'étais gamin. Ouais. Ouais. Ouais. Les arbres. Ouais. Donc c'est vrai que. Voilà, y a par exemple. Les arbres sympas, quoi. Voilà. Ouais. Donc on peut marcher sur cette oui. idée-là. Ouais. Hein. Mmh. Alors je note. Mais regarde les chasseurs d'images, peut-être il y a des idées. Oui, ça va donner des idées, mais bien sûr. Tu verras, il parle de la Gacille aussi. Bah, bien sûr. Ouais. C'est un incontournable. Ah, bah, justement, dans celui-là que je t'ai passé, ouais. Là, le dernier, l'avant-dernier. Il y a le fameux gars qui a fait l'expo sur la région du Morbihan. C'est l'année dernière, non? Non, cette année aussi. On lui a donné, c'est un photographe connu, je ne me rappelle plus son nom. Et la région lui avait donné justement à développer la région, le Morbihan. Et tu verras, il a des photos superbes. Et il expose à Gacilly, il est dans Chasseur d'images. Et il expose à Gacilly oui. cette année? Oui. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, tu verras, c'est pas mal. Bah, voilà. Donc, je pense que ça serait intéressant de préparer un planning. Oui, hein, on se donne 6 mois, par exemple. Ouais, ouais. Mais c'est ambitieux. Mm-hmm. Les filles vont, comment dirais-je... Mais même quand il pleut, on devrait sortir. Parce que même sous la flotte, tu fais des photos sympas. Ouais. Ouais. Non, c'est pas trop chaud. Ah non, moi, je suis pas chaud. Ouais, mais, vois, non, mais je suis pas chaud. Et puis les autres non plus, parce qu'elles ont peur d'abîmer leur appareil photo. Mais t'as vu l'orage qu'il y a eu, là? J'ai pas... J'aurais dû sortir... photos sur Facebook? Non. J'aurais dû y aller. J'ai pas percuté. Je sais pas pourquoi. J'ai pas Facebook. Faut le matos. Ouais. Faut le... Bah, mets-toi sur Facebook. Il y a un peu de tout, hein. Oui. Mets-toi sur Facebook. Ça aussi, c'est intéressant. Moi, je suis... Hélène et Sandrine, qui sont sur Facebook. Mmh. Et je les laisse faire des photos, mettre leurs photos, si tu veux. Je les ai encouragées à ça. Mmh. Et puis, bon, alors, elles te mettent un peu de la photo au kilomètre. Ouais. Mmh. Et moi, de temps en temps, quand je vois quelque chose qui percute un peu, je leur dis, bon, ça, c'est sympa. Mmh. Bon, ça leur fait plaisir. Mmh. Et puis, quand je dis c'est sympa à l'une, à l'autre... parce que Sandrine et Hélène, c'est un peu le binôme. Mmh. Alors je dis à Hélène, ouais, bah, ces photos-là, elles sont sympas. Et puis, tu as Sandrine qui dit, eh, moi, tu ne me dis pas qu'elles sont sympas, les jeunes. Bah non, parce que voilà. Bon. Voilà. Donc, ça serait bien. Ouais, préparer un planning 6 mois. Et puis, on se prévoit une réunion Skype réunion Skype. Parce qu'elle vous a déjà écrémé pas mal de choses, non? Oui. Ah, oui. C'est ça le problème. C'est pour ça. Qu'on en échange avant, que tu proposes au groupe. Ouais, parce que si je dis on fait ça, ça a déjà été fait. C'est pour ça. Alors, oui. Attends, je finis, parce que si je note pas Skype, on va dire fin octobre. Fin septembre. Voilà. Donc ça c'est bien. Et puis, mais quand je parle d'un planning sur 6 mois, c'est un planning, on peut aller à tel endroit, mais on peut rester ici, faire des photos de rue de ci ou de ça, etc. Tu vois, faut être assez souple. Je pense qu'au niveau des déplacements, ça va être un peu compliqué. On va voir un peu avec le corona, parce que... Comment ça évolue, ce truc. Oui, comment ça évolue. Si ça évolue bien, s'il y a des difficultés, etc. Bon, la Gacilly, c'est un incontournable, tu peux pas ne pas y aller, quoi. Mais, et puis, je sais pas si tu as été sur le site de la Gacilly, tu t'aperçois en fin de compte qu'ils ont bétonné le sujet au point de vue mesures barrières, sanitaires, etc. Ah oui, c'est bien foutu. L'expo, c'est masqué. Oui, tout à fait, obligatoire. Masqué. Exact. Et était pourtant en plein air. Hein. Ouais, alors, tu vois que... Non. Bon. Non, moi, c'est des choses... C'est top. Alors, ça aussi, mais ça, je crois te l'avoir déjà dit, de ce côté-là, moi, je suis hyper intransigeant. Hein. Si on est en pandémie, bon, ben, tu peux pas, un petit groupe tel que le nôtre, devenir cluster, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Hein, hein, c'est pas sérieux. Voilà, mon ami. Est-ce qu'on a fait un petit tour de... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Alors, autre chose. Alors, bon, alors, on a vu les albums. Montage diaporama. Tu veux les enlever, les albums, parce que les a laissés à la lumière, là, ouais, c'est peut-être pas top. Mais mets-les sur la table, comme ça tu les emmèneras. Voilà. Comment dire ça. Ah oui, Nature morte, des choses comme ça, oui. Vous avez déjà faites. Oui. Ouais. Nature morte, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Non. Non. Par exemple, tu sais, là, maintenant, j'ai un messie dans une chambre noire. Oui. Utiliser la chambre noire. Ah oui, si, si, on en a fait. Quand je dis on en a fait. Ouais. On a fait deux, trois séries pendant le confinement, ouais. À domicile, ouais, ouais. Où on disait, voilà, on va photographier la cafetière du grand-père, etc. Bon, mais... Vous en avez trouvé encore ? Des kilomètres. Oui, on n'a pas ça, fait ça vraiment. Et c'était de la nature morte en intérieur, pas en extérieur. Il y a peut-être des réflexions à avoir aussi dans ce domaine-là. Voilà, sinon... oui, tiens, je vois, là, ça, c'était des photos qu'on avait faites dans les bois. Oui. Avec les filles, on avait été dans les bois, elles s'étaient déguisées. Début, ah, t'étais pas venu pour les photos déguisées pas. Non, je sais pas. Les photos déguisées, c'était sympa. Ouais, ben voilà. Oui, déguisé. Alors les filles, elles adorent ça. Ouais. Ouais, elles aiment bien se maquiller, le truc. Ouais, ouais, ouais. Bon. Oh, c'était sans excès quand même. Non, mais c'était sympa. Ouais, ouais, ouais. C'était sympa. Ben voilà. Voilà. Tu vois, on a produit des choses. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Quoi? C'était photo? C'est pas moi. C'est pas les miennes. Il y a des photos à moi, mais il n'y a pas que. Je ne sais même pas que tu as fait tout ça. Elle te fait des choses au kilomètre, Michaela. Bah, bon. Tiens, c'est tout qui bronze. Ah oui, ça c'est la gacilie. Ouais. Mmh, ouais. Bon, c'est moi qui ai fait ça. Bon. Bah, oui, c'est moi qui ai fait ça, je m'en souviens. Bah, ouais. Ouais. Ouais. Bon. Ouais, tu vois. Tu n'as pas fait celle-là parce que tu es dessus, mais... Bon. Voilà, donc faire émerger des idées un petit peu novatrices pour réoxygéner tout ça. Ouais. Ce que tu peux faire aussi, et ça peut être intéressant quand tu seras au forum des associations, si tu vois quelqu'un qui accroche bien, tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Parce que des idées de l'extérieur, c'est bon, c'est toujours bon à prendre, quoi. Hein. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Okay. Ça, c'est marrant. Bon. Ah oui, c'est moi qui ai fait ces photos. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bizarre, je m'en souviens même pas. Voilà, mon ami. Okay. Bon, on a fait le tour. Ouais. Hein, ouais. Et puis, si tu as des idées en cours de route, tu dis. Ouais. Je vais mettre un mail à... je vais relancer pour la Gacilie. Je vais passer un coup de fil à Hélène pour lui dire de se rapprocher de toi, parce que je pense que ça lui ferait plaisir de faire le voyage avec toi, etc. On va voir qui vient d'autre. Ouais, et puis c'est selon, hein, de toute façon, rendez-vous là-bas à midi. L'idée que j'ai, on vient avec le pique-nique, donc chacun s'occupe. Hein. Rendez-vous à midi. Et pendant le temps du pique-nique, on échange sur le devenir du club photo, on explique ta venue, etc. etc. Hein? Ouais, ça te va? Ouais, très bien. On fait ça? Ouais. Allez, c'est super. Bon, et ben voilà, t'as un peu de littérature. Ouais. Moi, je t'en ai ramené aussi. Eh ben, merci. Merci, merci. J'ai récupéré juste mon moule à gâteau. Je l'ai mis dans ton sac. Ouais, très bien. Sur la porte. Ouais, merci. Non, mais c'est bien les albums. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est en hiver en plus, ce genre de truc. Oui, bah oui. Et puis les belles promos, c'est pour Noël. Ouais, aussi, ouais. Bon, bah écoute, merci, bon en tout cas, merci, merci pour la tarte. Bon, c'était ouais, super. Et t'es bonne. Je vais faire de la peinture, c'est une chose.